Seigneur, auprès de toi est la parole de vie. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Garde-moi près de toi, prends soin de ma vie. Je suis ta créature, l'image de ta main, Seigneur.